joli bifton. Ceux qui ont le plus de zéro sont ceux qui préfèrent. Comme des millions de gens, c'est au supermarché que je chasse, que je pêche, que je me dépêche. Que je pêche, que je me dépêche.